Dis donc, il est giron, ton petit sommelier. Le bon cru, ouais. Vous êtes dans les bons crus avec Jérôme ce soir et je ne suis pas accompagné de Simon. Donc ce soir une émission en solo et je vais vous parler d'un de mes producteurs préférés. On parle assez peu des producteurs, généralement plutôt des rappeurs, et donc j'ai décidé de consacrer l'émission à Harry Fraud, un producteur de New York, Brooklyn, qui a beaucoup œuvré dans les années 2010, enfin fin 2000, début 2010, et qui aujourd'hui est plutôt connu, alors qu'il était vraiment underground au début. Il a eu la chance en fait de faire un hit avec French Montana, avec qui il a beaucoup collaboré. Donc French Montana, rappeur de New York aussi, originaire du Maroc, voilà, qui a explosé dans les années 2010. Et ils ont fait un tube qui s'appelait Shot Caller en 2011, et on va l'écouter tout de suite, et on parlera ensuite un peu de leur collaboration. Shot Caller de French Montana. Dis donc, il est giron ton petit sommelier. Montel. La musica de Harry Fraud. Shorty got potential, I could be a sponsor. Met the backstage at the Summer Jam concert. Hair like Rihanna, shoe game was awesome. Tell by aura, she want a shot call. Wanna be with a baller, shot call. I could tell by aura, she want a shot call. Wanna be with a baller, shot call. I could tell by aura, she want a shot call. Dipping in the wax slow, three in the back, two if you fat, pimping is a fact. Fresh up out the street, hop, jump to the top. I be French Montana from the block. Went solo on the ass, solo on the ass. Old white navy blue polo with the hat. I go round, like a thunder dragon. From the South Bronx, home of the original clap. Just another case, digging in the crates. Empty out the two, they was filling them with hate. Living life fast, gets mines on the speedboat. Smoke the weed like Sligo. Shorty got potential, I could be a sponsor. Met the backstage at the Summer Jam concert. Hair like Rihanna, shoe game was awesome. Tell by aura, she want a shot call. Wanna be with a baller, shot call. I could tell by aura, she want a shot call. Wanna be with a baller, shot call. I could tell by aura, she want a shot call. Back on the scene, crispy and clean. LV logo, even on the chain. Don't be funny style with the funky, funky child. I do a Frenchie style, I let the money pal. She don't wanna talk till she seen the top off. Call me Pimp Homicide, let her jump out. Feel the texture, Rumble on Webster. Stand on my own, not who I stand next to. Can I hit it in the morning? For sure, I be pimping like a pro. And all the bad bitches now when the money hit the floor. Pick it up, push you up, tap. Shorty got potential, I could be a sponsor. Met the backstage at the Summer Jam concert. Hair like Rihanna, shoe game was awesome. Tell by aura, she want a shot call. Wanna be with a baller, shot call. I could tell by aura, she want a shot call. Wanna be with a baller, shot call. I could tell by aura, she want a shot call. Shorty got potential, I could be a sponsor. Met the backstage at the Summer Jam concert. Hair like Rihanna, shoe game was awesome. Tell by aura, she want a shot call. Wanna be with a baller, shot call. I could tell by aura, she want a shot call. Wanna be with a baller, shot call. I could tell by aura, she want a shot call. Et vous êtes toujours dans les bons crus, on vient d'écouter Shot Caller de French Montana, produit par Harry Fraud, qui est à l'honneur ce soir dans l'émission. Donc comme j'expliquais, C'est un producteur de la scène underground de New York. Il a commencé à collaborer fin 2000 avec French Montana, donc un rappeur du Bronx, qui formait un groupe avec qui s'appelait les Coke Boys. Ils ont fait une série de mixtapes. Et donc ils ont développé avec French Montana, avec Harry Fraud, qui était un des producteurs phares de leur mixtape, un son assez aérien, qui était à la fois un peu old school comme le son New York qu'on connaît, et qui on retrouve un peu les drums du son sudiste New York, et beaucoup de samples, donc des samples de soul, comme on pouvait l'entendre là dans le son juste avant, avec une grosse trompette. Donc à la fois c'est planant et en même temps le son est puissant, et il a développé comme ça tout un son hyper aérien. Donc quelques mots aussi à propos de Harry Fraud. En fait, il a grandi dans une famille de musiciens, donc il a eu très tôt accès à du matériel pour composer. Et puis voilà, il a une grosse culture rock aussi, et culture hip-hop old school. Donc voilà, donc avec French Montana, ils vont collaborer comme ça pendant des années. Il va être sur quasiment tous ses projets. Il y aura toujours au moins un morceau composé par Harry Fraud. On va en écouter deux qui sont vraiment typiques du style un peu aérien dont je parle. On a l'impression d'entendre des dauphins dans l'océan, des orques au loin, enfin des sons de sonar. Ils poussent un peu, ils pitchent un peu les voix de manière à ce que ça ressemble à des instruments, où ils utilisent des guitares. Voilà, c'est hyper planant. Et il a développé un peu ce style qu'il a qualifié de wavy. Donc on écoute deux titres. Tunnel Vision, suivi de Silence, donc de French Montana toujours. La musique de Harry Fraud. Yeah, Montana, Francis, Drug, You don't wanna fuck with me, I let him go. Tell him vision all that money, I don't see a hoe. I guess I'm slow, so they always catch me. I'ma live it up, hot bottles, fuck it up. Some pictures to my niggas that's behind the wall. Tell them I ain't slowing down, man, I want it all. I'm on the edge till them niggas catch me. I'ma live it up, hot bottles, fuck it up. Fuck the star, I'm an astronaut. Baby gon' grab the shot. You know I'm trying to slide like rap a lot. Blown back half a block. Trick, I'd rather not. I'm from the hood, baby, I ain't always have a lot. Wake up in the morning, then look up at the ceiling. Another day up in the jungle, on my way up to a million. Lighting up the cig, then sipping on that lean. Nigga try to make a killing, homie, nothing in between. Shorty, dug me till the morning. Wake up and go to church, try to wash away his sins. I guess whatever work, keep a hammer, fuck the time. These niggas getting murked, coke boys on that grind. From the first to the first, Montana. You don't wanna fuck with me, I let him go. Tunnel vision on that money, I don't see a hoe. I guess I'm slow, so they always catch me. I'ma live it up, hot bottles, fuck it up. Some pictures to my niggas that's behind the wall. Tell them I ain't slowing down, man, I want it all. I'm on the edge till them niggas catch me. Look, a nigga head up to the sky, feet on solid grit down. Haters won't knock me off my swear, but I'm too rich now. Hall of Fame, Bizzell, prestigious with this hustler player. Hurry up and stop breathing, do yourself the favor. Before I toss the shakers, I kiss him up to God. I know he don't condone gambling, but this life is hard. See this life of ours, cold nights and bars. Whipping white and jars, twirling in the nicest car. Nigga, I'm flyer than I ever been. Anything that these niggas profess to be, I never been. All about my presidents, I'ma set the precedence. Tailor-made flows, these rappers no match his measurements. Nah, Graham still over the stove mixing. Out of these up-and-comings, I'm the most prolific. Jinx drugs, get familiar with the name, bitches. When they think they figured me out, that's when my lane switches. You don't wanna fuck with me, I let him go. Tunnel vision on that money, I don't see a hoe. I guess I'm slow, so they always catch me. I'ma live it up, hot bottles, fuck it up. Some pictures to my niggas that's behind the wall. Tell them I ain't slowing down, man, I want it all. I'm on the edge till them niggas catch me. I'ma a little bit up, high bottles flicking up. Bitch look foreign, thick hips and ass, juicy Qatari. So much hang is boring, cup filled to the top. Henny Patron pouring, popping, clipping in the fifth and hit the shooting, I'll be scoring. Act a fool, snatch a rein in your chain next. Spray text, watch him skate like Wayne Gretz. Steel chairs, he be folding up. Call me C4 Cheese, cause I'm blowing up, rolling up. Nigga, yeah, the sign we're in the cush. Niggas put bitches over money, the power of the puss. Me and Chinks copped a pair of coops. That's the same thing, no jewels involved. I show you my name ring. Put him in the box, yeah, they gon' sue the mouse. Fixing stitches, body embalming fluid out. Feeling like Kanye, niggas can't tell me nothing. Get it how I make it, so nigga, yeah, you know I'm coming. You don't wanna fuck with me, I let him go. Turn the vision on that money, I don't see a hoe. I guess I'm slow, so they always catch me. I'ma live it up, high bottles, break it up. Some bitches to my niggas that's behind the wall. Tell them I ain't slowing down, man, I don't know. I'm on the edge till the niggas catch me. I'ma live it up, high bottles, flick it up. Too much ground to cover. Fuck. I don't know where to start. Montana. What you gon' do when them boys come knocking at your front door? And they want you, oh, oh, oh. Ain't a rapper, he'll heal you, like, niggas just need to cheer, try to live my life. When niggas wanna see me king, and it was cold on that corner. A lot of my niggas gone on that call. Now floor seats, ringside by most. Floor seats, playoffs by coach. I know you hear me on your radio. I know you watch me in the video. Feds ain't watching niggas tell. That's why I'm Gucci. KOD with Bush. I'm riding clean. Look at me. See the bird on block. With the block. I'm drinking blue dye for the pain. Fuck what you say, you's a lame. On the Ave, snitches in the window, hoes sucking, giving up the info, trying to skate through that brown water. They play king till they gems get snatched out of their crown's border. And what beef, those are cow's organs. It ain't no problem, cuz if it was, he wouldn't be around walking. And fuck holding me up, I ain't no picket sign. My closest nigga crossed me like the Mason-Dixon line. Real nigga, we on different time. Ready lap these fuck niggas twice, waiting on them at the finish line. Clouds dark, shades even darker. That quick you get stripped out of your life. Derek Harper. Oh. Et on vient d'écouter le morceau Silence de French Montana, produit par Harry Fraud. Donc vous l'avez peut-être entendu au début de chaque morceau, on entend la musica des Harry Fraud. En fait, c'est un petit tag qu'il pose sur tous ses morceaux pour être reconnu en tant que producteur. Et c'est une pratique assez courante de tous les producteurs de rap qui ont officié un peu dans le monde des mixtapes, donc de ces albums qui sont distribués gratuitement sur Internet, avec l'avènement de gros sites comme datpif.com, enfin voilà, sur lesquels on pouvait trouver plein d'albums gratuitement comme ça. Et donc Harry Fraud avec French Montana, il a connu comme ça un peu le succès et il a été largement diffusé. Et comme French Montana est devenu vraiment populaire, il a eu des remixes avec Nicki Minaj de son premier hit, puis c'est devenu une superstar entre temps. Voilà, aujourd'hui, quand French Montana fait un morceau, généralement il est dans le Billboard, il est dans le top morceau diffusé, il passe en radio, etc. Donc petit à petit, ça a permis à Harry Fraud, qui était un peu un producteur inconnu, à accéder à des artistes de plus en plus connus. Et il a comme ça noué des relations professionnelles avec certains rappeurs avec qui il a fait beaucoup de projets. Il a commencé à aller plus loin que juste composer un morceau et à faire de la production d'albums en entier. Et c'est notamment le cas avec Currency, qui est aussi un de mes rappeurs préférés. Les deux ensemble, en fait, ça crée une harmonie de style. Vraiment, ils se complètent parfaitement. C'est comme ça que j'ai découvert aussi Harry Fraud. C'était le projet, c'était un 5 titres, ça s'appelait Cigarette Boats, en 2012. Et en fait, ça fait référence à ces bateaux hyper rapides qui servaient à faire du trafic de drogue, en fait, entre le sud des États-Unis et l'Amérique latine, quoi. La Colombie, par exemple, avec la cocaïne. Et donc, ce style qu'il a développé un peu, qu'il appelait wavy, donc il parle de vagues, on a l'impression d'écouter la mer ou de planer, quoi. Et bah voilà, ces cigarette boats, c'est un peu une métaphore de ça aussi. C'est des bateaux en fait qui touchent à peine l'eau tellement ils sont rapides. Voilà. Et là-dessus, elle est encore plus loin dans le style, très vaporeux, parce que Currency, c'est un rappeur très chill. On avait fait une émission sur lui aussi, donc si vous voulez écouter l'émission Chill Rap, voilà. Donc on va écouter un premier titre, et voilà, ils ont collaboré ensemble sur deux gros projets, notamment donc Cigarette Boats et Marina EP, qui est sorti cette année. Les deux, c'est hyper bien. Bon, y a, en plus de l'influence de New York dans le son, il y a ce petit truc Amérique latine qui est hyper cool, quoi. Et on écoute le morceau qui s'appelle Wow. They hide us, niggas line me up. La música de Harry Fraud. They hide us. Smoke money to get, cars to park, bitches to break, walls to start. I'm still living my life. There are no stars. Way out here, it's only us, dawg. Undetected by radar, closed circuit track, endurance laps, race cars. You niggas just say y'all doing that shit. I been into it, nigga. Play ball, junior varsity, don't want no parts of me. Triple O, I just drive like that to protect my rims. I ain't slow, 10 minutes by the check, you see how fast it go. That drug dealer flow, George Gervin, ice cold. Finger roll with that pen, I turn that paper into gold. Axel rolls through the bowls in my rolls. Through the concrete, you see a rose, still rose. Counted up $1 million for that sun rose. Spitting game for the range, dropping tracks for the racks. In the booth for the crib, with the bow docks in the back. With them automated gates, remote controls in my lap. 84 riding, I did that for my lifers. Yeah. It's more money to get. Cars to park, bitches to break, walls to start. I'm still living my life. There are no stars. Way out here, it's only us, dawg. Yeah. Way out here. keep the profit of the bricks you popped your cherry on. White CL Benz dealing, I throw my cherries on. Shit. I think about money, yeah, a lot of money. I think about it. I'm speaking lotto money, Abu Dhabi money. Same old stoner, yeah, I'm blowing loud. You could grow weed, but I could exhale and grow a cloud. Yeah. You ain't real high, you mid level. Yeah, real high. Smoking on that shit, we let the kids peddle. I made a couple M's off what them kids peddle. Speak on my name wrong, bet you see it. Them kids meddle. Bet you. Blasphemy. Blast. Is it blasphemy? They say the realest nigga alive. I think you ask for me. I'm jet setting with my nigga spitter. We like to speak paper and it's getting thicker. Check me up. I'm ready. Take me up. La música de Harry Fry. Amethyst and quartz, different types of burning nerves. That's to keep all of these demons out the room, yeah. 50 racks on heady glass to reach a higher ground. DMT inside the teepee, I think I'm higher now. Hearing lions growl while I'm lying down. Play connect the dots with constellations while I'm flying around this multicolored dream world. This ain't SeaWorld, but similar. Make it 3D twirl, just seen a Puerto Rican zebra. It's the age of Sagittarius. Archers on chariots. Large money hanging the balance. Like the Intercontinental Belt at SummerSlam. Razor Ramon versus Shawn Michaels, part two, bitch. He's really getting on it now. 225, 226, 227. We're not gonna be able to catch this thing in this course. Should I go black? I repeat, should I go black? Copy. 10-9, we'll break one. We got authority to run code black. I repeat, we got authority to run code black. Initiate sequence. Overlooking the veranda. Me and my private dancer, my range like John Stark. She walked through the castle like Sansa. I took major chances to land us in this position. Where the engines mounted in the back of us, the streets chatter of us coming up. It's like they glad to see the gladiators papered up. It was a prophecy fulfilled, I raise your glasses up. They chill properly, imported and stored until an occasional rose. Celebrate, we get dough, another open dough, another closed, another meal, another deal. And once the ink dry, you worth upwards of 20 mil. And in the blink of an eye, you who them bitches feel. This shit is really real. Matter of fact, this shit is really ill. But I wouldn't choose another lifestyle still. Paddle shift the F1 gears, go uphill. I got a stupid ass crib up there, I stay here. Yeah. There are several large packages, large bundles. These look more suspicious. Yeah, he's just turning south. No, he's going into the inlet. Yep, straight in. Yeah, and he got three, got a whole bunch of people on the beach waiting for him, at least 10 people. They're definitely beached. They're unloading fuel barrels. Yeah, they're unloading the barrels. All the barrels have been unloaded. Vous êtes toujours dans les bons crus, on vient d'écouter le morceau de Currency, Scarab 38, featuring Action Bronson, et toujours produit par Harry Fraud, donc le compositeur à l'honneur ce soir dans l'émission. Donc là c'était sur leur deuxième album collaboratif entre Currency et Harry Fraud, Marina EP. Donc on entendait ces petits extraits de films. Donc ça reprenait un peu la suite de Cigarette Boats dont je parlais, qui parlait des routes de la drogue au sud des États-Unis. Donc toujours ce côté un peu Miami Vice. Enfin voilà. Alors, Harry Fraud, voilà, il a ce truc de collaborer comme ça avec ses rappeurs fétiches. Donc bon, il a collaboré avec beaucoup de rappeurs, mais voilà, beaucoup avec French Montana au début, enfin tout du long, avec Currency après. Et là, il y avait Action Bronson, un autre rappeur de New York. Donc, c'est un personnage haut en couleur, un ancien chef qui est devenu rappeur, donc qui adore la bouffe, qui a tout le temps des références de nourriture dans sa musique, et puis qui a aussi une grosse culture rock. Et Harry Fraud aussi, sachant que son père était guitariste et qu'il a beaucoup écouté de rock des années 60 jusque dans les années 90. Donc, tout le vieux rock, il est passionné de ça. Donc, beaucoup de samples de guitare dans sa musique. Et on le retrouve forcément dans ses productions. D'ailleurs, on va écouter un extrait de l'album de Action Bronson, qui était entièrement produit aussi par Harry Fraud, qui s'appelait Sap Stories, et le titre s'appelle The Rockers. Donc voilà, on reste dans le thème et on revient juste après. White leather to the knee, we in the tropics. Left-handed switching speeds, I'm in the cockpit. Straight from Flushing, man, we known for using chopsticks. Problems getting dealt with, never pop shit. Hit you with the drop kick, Marty Jannetty. No, I hit you with the drop kick, Marty Jannetty. No, I hit you with the drop kick, Marty Jannetty. No, I hit you with that drop kick, Marty Jannetty. Rock the short cap, kamikaze, burning cheese, Saganaki, Greek shit, whole team sick. Whole bitches from Cleveland on my dick because I rap. Fuck it, make it clap, throw the money in the air, then pick it up, I'll take that back, bitch. Hold me down, homie, throw me phony pounds. This Santa dollars like some crispy garlic, golden brown, addicted, but ain't nothing prescripted. Baby clams from my talk, mix it up with the linguistics. Bitch, I'm high. White leather to the knee, we in the tropics. Left-handed switching speeds, I'm in the cockpit. Straight from Flushing, man, we known for using chopsticks. Problems getting dealt with, never pop shit. Hit you with the drop kick, Marty Jannetty. No, I hit you with the drop kick, Marty Jannetty. No, I hit you with the drop kick, Marty Jannetty. No, I hit you with that drop kick, Marty Jannetty. No, I hit you with that hot shit. Straight up off the block, roll up pot shit. Niggas just don't wanna go to school. Act like they are, but they not sick. Money all up in my pocket, putting diamonds in everything. See me out, I look rich as fuck. Clothes smelling like Mary Jane. Fly coastal, been on airplane. Say these guys close, but these guys local. When they see me, they non-vocal. High as fuck, I need bifocals. Push got me moving slow-mo. Steak and eggs in my dojo. Get some G's in there, need some weed, I'm there. All these cars I own, ain't no keys in there. Tapping young niggas out. Rolling weed at an ounce. Now I got a bigger crib. Rapping what I'm living about. My hair long, my weed strong, so they staring. My weed strong, my money long, I ain't caring. White leather to the knee, we in the tropics. Left-handed switching speeds, I'm in the cockpit. Straight from Flushing, man, we known for using chopsticks. Problems getting dealt with, never pop shit. Hit you with the drop kick, Marty Jannetty. No, I hit you with the drop kick, Marty Jannetty. No, I hit you with the drop kick, Marty Jannetty. No, I hit you with that drop kick, Marty Jannetty. Six zeros. flying all around the world like I'm a fucking hero. Pointing straight out of bottles, how we drink Clico. And we all from the same hood. That's why we feel the same thing. Like say if one of our pockets hurting, we all gon' feel the same pain. Always smoking out the car service, police escorted, not at all nervous. We the bomb searchers, penthouse whole room filled with cash in it. Old school backseat with a stash in it. Big joint OG mixed with hash in it. And it's TGOD, you niggas last minute. Your flow last year, your swag last fall. You just the last place, you ain't gon' last at all. You niggas want kush, we got ounces. You niggas want cookies, we got pounds. You niggas want kush, we got ounces. You niggas want cookies, we got pounds. You know it's Taylor Gang or die. Taylor Gang or die. Fresh out the spot where they selling, you gotta pay them to cook. Ain't no rules out this motherfucker who sold you that book. Bitch, we down when it's cracking around my way, and you know that. Can get more than I ever had, so be afraid of the go back. Here I'm talking, I'm cool and moving. No cameras, respect the shooters. I'm out on this money train, you don't know about hustle, do ya? It's everything, you know nothing. And bitch, you know how I get down. You wasn't mad at me before, so why is you mad at me now? The alcohol got you talking, you do the same thing to the cop. No conversation, no way we play it. Only for money, calls only. That mean I can't deal with them old games that you tryna. Et on vient d'écouter Wiz Khalifa avec le titre O's and Pounds, donc un extrait d'un album de Harry Fraud. Donc en plus d'avoir produit entièrement des albums de certains rappeurs avec la direction artistique qui va avec, la composition des morceaux, il a aussi fait deux mixtapes en tant que producteur où il invitait pléthore de rappeurs donc, et il les faisait poser donc, sur ses instrus. Et à chaque fois, ces albums ont des titres qui font référence à l'océan. Donc en fait, il faut savoir que son obsession un peu comme ça pour l'énergie de l'océan, des vagues, ces ambiances planantes, un peu vaporeuses, voilà, ça vient aussi du fait que son père est surfeur et il l'amenait souvent avec lui dans des escapades sur la côte. Et donc, Harry Fraud est aussi devenu surfeur, il est passionné, voilà, par les vagues, et ça rejoignait aussi un peu voilà, Max B, des premiers rappeurs avec qui il a collaboré, où ils ont créé ce style de musique qu'ils appellent le wavy, donc avec des productions très planantes, des raps un peu à contre-temps dessus, enfin voilà. Et donc, voilà, il a travaillé donc avec, je disais, French Montana, Currency, Action Bronson, donc qui sont des rappeurs assez connus. Mais il a également lancé son propre label de musique, qu'il a donc appelé Surf School Recording, donc en référence aussi à sa passion pour le surf, et sur lequel il a mis en avant des artistes totalement méconnus. Notamment, le premier projet qui est sorti, c'était avec un rappeur qui s'appelle Eddie B, totalement inconnu au bataillon, avec un projet que je recommande qui s'appelle Horsepower, donc en référence aux voitures. Aux grosses voitures et voitures de course. Et on va écouter un titre qui s'appelle Courage. Donc là, il sort un peu des ambiances planantes. Il passe plus sur un mode un peu chill, surfeur vraiment. Et voilà. Honnêtement, le rappeur a aucun intérêt. C'est vraiment les productions de Harry Fraud qui sont intéressantes là. Et sur quasiment tous les projets qui sortira sur son label. D'ailleurs, Eddie B, on n'entendra quasiment plus parler. Mais ça vaut le coup d'écouter le projet parce que voilà, encore une autre facette de Harry Fraud hyper intéressante. Donc on va écouter le titre Courage, tout de suite issu de l'album d'Eddie B. I is, this is the part where I'm supposed to say some real slick shit. La música de Harry Fry. Fuck all that. Say all that slick shit in the raps. Pussy, get your bars up. They wanna ride my wave, but I'll never let them. We in the whip and your bitch is giving me cerebellum. I'm a sinner, I'll never make it to heaven. And as long as I be living, middle finger to the reverend. Church, church, church, I hit them with the verse. Murder in the first, now your homies in the hearse. Put them in the earth, yeah, that's where they belong. Light another doobie and I write another song. I go on and on until the break of dawn. Bless your bitches' buns with my great poupon. The flow is too strong, homie, you've been born. The flow is too strong, homie, you've been born. Cause I'm a superhero and use a stupid zero. My mental state revolves around making mucho dinero. These cowards wanna cap me though, clap me on the patio. Mad cause I'm acting like Leonardo DiCaprio. Caprio. My wave, but I'll never let them. We in the whip and your bitch is giving me cerebellum. I'm a sinner, I'll never make it to heaven. And as long as I be living, middle finger to the reverend. Isn't acting, bro. I ain't going Hollywood. Talented as fuck, though. Bet you that I probably could. You popping mollies in the hood, cause you's an asshole. You probably working for the Jake like Donnie Brasco. Try to stop my cash flow, I'll lay you on the asphalt. Look you in the face and tell you it was your dumb ass fault. We blast off and travel to other galaxies. The boy is bold, so cold, the haters have to freeze. I jump in the booth with a little gray goose and I'm making a masterpiece. And I ain't stopping till I get money like athletes. Yeah, I'm talking Michael Vick paper. That Chris Bosh, Chris Paul, crisp tall paper. That so defiant Kobe Bryant, holy giant paper. That green like an alligator. Then I see you later. See you later. See you. My wave, but I'll never let them. We in the whip and your bitch is giving me cerebellum. I'm a sinner, I'll never make it to heaven. And as long as I be living, middle finger to the reverend. They wanna ride my wave, but I'll never let them. We in the whip and your bitch is giving me cerebellum. I'm a sinner, I'll never make it to heaven. And as long as I be living, middle finger to the reverend. Et vous êtes toujours dans les bons crus, dans une émission spéciale consacrée à Harry Fraud, donc compositeur de New York. On vient d'écouter Eddie B avec le titre Courage. Donc encore un album entièrement produit par Harry Fraud, donc ce que j'expliquais, sur son label. Et puis je parlais des références un peu à sa passion pour le surf. Donc on le retrouve aussi. Dans les paroles du rappeur, là, il parlait de vagues, enfin beaucoup de métaphores par rapport au surf. Et aussi dans le titre des mixtapes, donc il y avait Adrift, ça veut dire à la dérive, et puis l'autre s'appelle The Coast, donc la côte, enfin voilà. À côté de ça, donc, parce que c'est vrai que depuis le début de l'émission, on écoute beaucoup de productions planantes ou un peu chill, vraiment lentes, où il a aussi fait des productions très énervées. Ce qu'on peut appeler des bangers, notamment avec Rick Ross, donc qui est connu pour ça, mais qui vient aussi chercher Rick Ross souvent des ambiances un peu plus feutrées, luxueuses, avec des samples de jazz, etc. Donc là, c'est un peu entre les deux. Je vais vous, juste pour montrer un peu la palette de production d'Harry Fraud, on va écouter deux gros bangers, donc les morceaux sont vraiment un peu énervés. Et. Dans le premier extrait, donc c'est un morceau de Fat Thrill, et en fait, c'est un sample d'un morceau de Rick Ross. Donc c'est là où c'est marrant. Et puis le deuxième, c'est un morceau de Rick Ross avec une prod à la fois classe et en même temps qui pète, quoi. Donc on écoute ça tout de suite. Ça s'appelle Deep in the Game de Fat Thrill. Donc ça, c'est sur Adrift. Et juste après, Know About, qui était sur The Coast. Donc les deux mixtapes dont je parlais juste avant. La musique de Harry Fraud. Deep, deep, deep, deep, deep in the game. I done perfected my moves. My shoes drip like white. My dogs rich off white. Deep, deep, deep, deep, deep in the game. I done perfected my moves. My shoes drip like white. My dogs rich off white. Deep, deep, deep, deep, deep in the game. I done perfected my moves. My shoes drip like ice. My dogs rich off white. I done perfected my moves. My shoes drip like ice. My dogs rich off white. I say my wrists all white. Rich off white. Nigga baby mother sucking dick all night. 36 to clip my clip on roll with the foes. Them O's on the stoves keep my bitch on swole. Working with finesse, I got success in the Lexus. But that shit got me locked, I can't stop rolling with weapons. First the body drop, got that six shot with the special. I'm shaving off the top, I probably chop up the extra. 84 on my kinfolk, NYC got been a road. Rider on the top, but that's my white bitch from Minnesota. I'm high, my price low, all state like Geico. Raw dog, your household, hog time, like so. I done perfected my moves. My shoes drip like ice. My dogs rich off white. Deep, deep, deep, deep in the can. I done perfected my moves. My shoes drip like ice. My dogs rich off white. Deep, deep, deep, deep, deep in the can. I done perfected my moves. My shoes drip like ice. My dogs rich off white. Deep, deep, deep, deep, deep in the can. I done perfected my moves. My shoes drip like ice. My dogs rich off white. Take a nigga life like it's a eye, like it was right. I just quarterback the pack, grip him tight, that's by the bite. We polite, you can't shop with me unless you shopping twice. And my lawyer is magnificent, I beat them charges twice. What you like? If I want your bitch, I take her home tonight. Make her shop on this rock, heard the pussy something slight. That was right, I just told her fly away like a kite. Bring her back to Bagate, and I best to take a flight. Right, left wrist. Working different with the ice. It just hurt the nigga. I told that bitch turn on the light. That's a eye. Early now and then she like to fuck the dike. And she bring her straight to me. I just pass her to the right. Like what you like? Deep in the can. I done perfected my moves. My shoes drip like ice. My dogs rich off white. Deep, deep, deep, deep in the can. I done perfected my moves. My shoes drip like ice. My dogs rich off white. Deep, deep, deep, deep, deep in the can. I done perfected my moves. My shoes drip like ice. My dogs rich off white. Deep in, deep in, deep in the can. I done perfected my moves. My shoes drip like ice. My dogs rich off white. Huh. Dadpiff.com world premiere. Maybach music. Real shit, right? La música de Harry Fraud. Huh. Huh. Let me come right back at these old niggas. Check me out. Shining like Sonny Liston, smoking at Joe Frazier. Prophet like Muhammad, Abu Dhabi watching cable. You gang banging, I'm dope dealing. My chain swinging, I'm just a dope nigga. Magic bought the Dodgers, I just bought the projects. Broke down 100 bricks, same profit margin. Another day at the park, I just wanna play ball. Guess my cat and my drugs, it's my bat and my glove. Highest Daryl Strawberry in back of the club. Sorta Tommy Lasorda, most of my niggas is snorters. Keep a 40, bust a nigga, I dare you report it. Keep a 40, bust a nigga, I dare you report it. I got a bitch right up the street that you don't know about. I see that oven kind of money you don't know about. Man had a pad out in Cali that you don't know about. You amongst niggas and killers you don't know about. I plat the dynamite and then I push the detonator. Go get your money right until and I ain't fucking with you. Five Jesus pieces, but I think the devil got me. Knock a nigga off, get on the phone and laugh about it. Old niggas always talking on the past tense. Hate to see a young nigga living these mansions. Hate to see a young nigga fucking these bad bitches. Fuck her from the back, I got that pussy ad-libbing. Moral of the story, tell a story so terrific. Hit the fan, flip the script, shit could get horrific. What's your body count, nigga? I'm double digits. If your name get on this list, somebody gotta get it. I got a bitch right up the street that you don't know about. I see that oven kind of money you don't know about. Man had a pad out in Cali that you don't know about. You amongst niggas and killers you don't know about. I got a bitch right up the street that you don't know about. I see that oven kind of money you don't know about. Man had a pad out in Cali that you don't know about. You amongst niggas and killers you don't know about. Violette, bel éclat, c'est un Bordeaux, un grand Bordeaux. Et on vient d'écouter Rick Ross avec le titre Know About, toujours produit par Harry Fraud. Et donc ça, c'était extrait de la mixtape d'Harry Fraud, The Coast. Donc je parlais un peu de, voilà, on a vu comment Harry Fraud a commencé avec sa rencontre avec French Montana, à développer son style, à être présent, voilà, au sein du groupe de French Montana, les Coke Boys, de continuer à produire pour French Montana et de le suivre dans son ascension. Et puis ensuite avec d'autres rappeurs, Currency notamment, Action Bronson. Et sur ses projets, là, il a invité une multitude de rappeurs, donc vraiment d'horizons hyper variés. Et sur le dernier, il a même produit des morceaux avec des rappeurs qui n'ont rien à voir vraiment de la nouvelle génération, notamment Lil Yachty. Donc Lil Yachty, c'est un peu ce qu'on a appelé au départ le bubblegum rap, d'arriver comme ça avec ses tresses multicolores, un style de rap totalement enfantin, que ce soit dans les productions, dans le rap, dans les paroles et tout ça. Hyper comme ça, décomplexé. Et donc il y en a plusieurs qui ont suivi avec Lil Yachty, Lil Uzi Vert et compagnie. D'autres sont allés dans des trucs un peu plus sombres, etc. Et voilà, donc il arrive aussi à amener sa musique à des rappeurs qui sont dans des univers totalement différents que les trucs chill, planant, etc. Ou que ça parle de deal de drogue, etc. Donc on va écouter ce titre My Circle qui est hyper bien produit et puis sur lequel Lil Yachty arrive à faire quelque chose vraiment de plutôt correct, quoi. Voilà. Donc c'est parti, ça s'appelle My Circle. DatPiff.com, world premiere. Yeah. Harry Fry. In the bone. Live life. Be nice like this, get remembered forever. Be happy. Nice like this, get remembered. Like this, get remembered forever. Live life and be happy and never be happy. See these bitches, they are these angels. I got stripes just like a bangle. Kiss a Supreme pour whole hate in a fango. Keep my circle tight, she's smaller than a bagel. See these bitches. child. I fucked all your brides. I see why you mad. I take care of mine. Make sure that my brother's safe. Make sure that my mama good. Get her up out the hood. Take her to a fighter place. When she see you brighter days. Don't gotta worry about bills getting paid. No. I put that on my life, yeah. I can never love a bitch, can't have no wife, yeah. Nothing's promised, so I live life like tomorrow is my last day, yeah. See these bitches, they are these angels. And I got stripes just like a bangle. Can't Supreme pour her aid in a fango. Keep my circle tight, she's smaller than a bagel. See these bitches, they are these. Kiss the crown is my motherfucking blood brother. Baby, pay, that's my motherfucking blood brother. You cross the line, we gon' have to aim me at your mother. I'm player by my family, no. Aaron, that's my blood brother. Ashton, D.I.E. is my blood brother. Whoa. Yeah, SKT, my blood brothers. For my blood brother. Earl, my blood brother. Digital, nah, that's my blood brother. Prince Green, that's my blood brother. Well, Posey, that's my blood brother. Trey Glow, that's my blood brother. Poo Poo, that's my blood brother. Ty Hurd, that's my blood brother. J Roll, that's my blood brother. K Man Soup and Kwaku, that's my blood brothers. And everybody else, that's my blood brother. Let's get T and ZYC. And that's my blood brothers. I run my gang and run my squad. Et on arrive à la fin de cette émission consacrée à Harry Fraud, producteur de New York. Donc, je me répète beaucoup ce soir. Donc, on a vu un peu la variété des styles proposés par ce compositeur, beatmaker. Là, avec Lil Yachty, ça n'a complètement rien à voir avec ce qu'on a pu écouter juste avant avec Rick Ross, qui était vraiment plus énervé, plus jazz. Là, avec cette espèce d'auto-tune et de trucs un peu délirants, voilà. En tout cas, on retrouve à chaque fois dans ses productions un côté aérien assez léger, un truc mélancolique aussi. Voilà. On va terminer l'émission avec un peu l'actu d'Harry Fraud, parce que voilà, c'est pas quelqu'un qui est dans le passé. Vraiment, il a une actu très chaude déjà en ce moment en France. Il a fait avec Red Bull Music Academy, donc l'espèce d'entité autour de Red Bull qui produit des artistes, qui parle de musique, c'est un média, ils font plein de choses. Ils ont une école, etc., de DJ, enfin bon, beaucoup de choses. Ils ont fait l'année dernière une mixtape entre un producteur américain et des rappeurs français. Donc l'année dernière, c'était Alchemist. Et cette année, ils ont fait la suite avec Harry Fraud. Ça s'appelle Brooklyn Paris. Donc il y a 7 titres, je crois, avec des rappeurs en vogue en ce moment en France. Et notamment, un petit favori de l'émission des Bons Crus, le bien nommé Infinite, rappeur de Nice. Et franchement, j'ai écouté tout l'EP. C'est lui qui a eu la meilleure prod d'Harry Fraud. Et il fait quelque chose d'incroyable dessus. Vraiment, je suis fan. Je m'en lasse pas. Donc, ça s'appelle Quand je me lève. Vous pouvez l'écouter au matin avec vos céréales. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine où on fera une émission consacrée à Feu Mac Miller. Voilà. Bonne soirée à tous. La musique de Harry Fraud. Mes seins veulent vivre leur rêve. S'armer comme Stringer Bell ou Splinter Cell. Sous Grimbergen, s'organisent comme les Bilderberg. C'est pour eux que je le fais, les autres niquent leur mère. Serais prêt à vendre la vie de leur frère pour un petit peu de trèche. Nique l'échec, vive l'espèce. Tu sais que ma bitch est fraîche. Car je suis sur la musique des Harry Fraud comme Chicks et French. Toucher le salaire minimum, non franchement ça me dit rien. C'est dur de prendre le droit, je m'accorde dans un labyrinthe. Pour l'instant, je fais tout ce qu'il faut pour manger. Maman voudrait que je fasse tout ce qu'il faut pour me ranger, mais le temps joue contre moi, ça. Et personne stoppe le chronomètre. Même si j'ai le conopec, y'a que Dieu que je follow, mec. Je sais très bien qui je suis, comme le refrain de Biggie. La loi française, je la dois avec la main de Iggy. Je sais qu'il y en a qui poussent au placard comme la Jackerer. Mais les vrais bonhommes retiennent une leçon de chaque erreur. Besoin de maille, j'ai pas besoin de toi dans ma life. Besoin d'être prêt, besoin de maille, j'ai pas besoin de toi dans ma life. J'ai besoin de gros et de zèbre et d'une bitch à côté quand je me lève. Ça, j'ai besoin de gros et de zèbre et d'une bitch à côté quand je me lève. La rue c'est pas le rap, le clash c'est pas 8 miles. Les Tech 9 sortent quand se baisse la vitre du S-Line. Tu dis que t'es un vrai mais t'es une vraie copie. Trouve-moi avec trois mecs louches dans un break Audi. Ou dans un gros pick-up Audi coche dans le blunt, j'esquive ces maudits clubs. Et j'ai des gros qui peuvent, fumer tes gros qui bluffent. Rentre dans le jeu ou rentre dans le feu volcanique. Ma cité va craquer, hein, je rentre dans eux comme Malik. Et quand j'étais 30, j'ai le sourire derrière le bandana. Caché que les Schmitt n'auront pas d'empreinte grâce au camp Prada. C'est l'hécatombe, la deuxième guerre mondiale. Chancy la bien, t'auras pas de deuxième pierre tombale. C'est pas à nous que tu vas la faire, putain qui crois-tu baiser. J'écoute du trap en caisse comme si je roulais en voiture piégée. Et quand on shoot, c'est sans pitié en plein cœur. On est 30 milliers de flingueurs descendant d'une grande lignée de vainqueurs. Besoin de maille, j'ai pas besoin de toi dans ma life. Besoin d'être frais, besoin de maille, j'ai pas besoin de toi dans ma life. J'ai besoin de gros et de zèbre et d'une bitch à côté quand je me lève. Ça, j'ai besoin de gros et de zèbre et d'une bitch à côté quand je me lève.